Chapitre 2. Pendant notre séjour à Qiyashta, nous avions reçu la visite des chefs des tribus bouriates qui vivent dans les steppes avoisinantes. Ils témoignèrent au chef de notre petite caravane le désir de nous voir chez eux et l'on convint du jour de l'entrevue. Après avoir fait nos adieux à nos amis de Qiyashta, nous nous mîmes en route et nous rencontrâmes le lendemain sur les bords de la Selinga l'escorte d'honneur que nous envoyaient les bouriates. 300 cavaliers, ayant de belles robes de satin de différentes couleurs, des bonnets pointus garnis de fourrures, des arcs et des flèches en bandoulière, et montés sur des chevaux richement carapaçonnés. Les bouriates, peuple nomade de Sibérie, habitent les monts situés au nord de Baïkal, dans le gouvernement d'Irkoutsk. On évalue leur nombre à 35 000 individus mâles environ. Ils paraissent être de la même famille que les Kalmouks. Leurs troupeaux font leur richesse. Leur religion et le chamanisme, espèce d'idolâtrie très répandue parmi les peuples de la Sibérie orientale. Leur dieu suprême habite le soleil. Il a sous ses ordres une foule de divinités inférieures. La femme, chez les moins avancés de ces peuples, passe pour un objet immonde et qui n'a point d'âme. Heureusement, les sectateurs de ce culte grossier diminuent de jour en jour. Nos voitures étaient traînées par des chevaux de paysans, mais les bouriates ne voulurent pas permettre qu'ils traversassent la Selinga. Ils attelèrent leurs propres chevaux, et nous voilà partis au triple galop dans la steppe, avec des cochers et des postillons en robe de chambre de satin, entourés d'une nuée de cavaliers qui faisaient des voltes à se casser le cou pour nous faire honneur. Comme les bouriates ont rarement l'occasion de conduire des voitures, nous avions sujet de craindre de leur donner le spectacle de gens plus ou moins versés et contusionnés. Mais la Providence permit que nous arrivassions sains et saufs, ainsi que nos voitures, après des soubresauts capables de faire rendre l'âme à l'Auvergnat le plus rompu à l'exercice des patâches. Mais l'habitude des voyages en pleine steppe nous avait aguerris. On célébrait chez ces braves gens les obsèques de l'un de leurs principaux chefs. Nous assistâmes aux services et aux cérémonies funèbres dans un temple mongol, et ensuite aux jeux qui eurent lieu suivant l'antique coutume observée en pareille occasion, savoir le tir à l'arc, la lutte, les courses à pied et à cheval, après quoi vint un festin à la mode des bouriates qui nous servirent des mets beaucoup plus civilisés que les Chinois, comme du mouton rôti, du fromage, quantité de gâteaux et même d'excellents vins de champagne. Nous nous remîmes bientôt en route pour aller dans une autre tribu qui nous attendait et qui possédait le principal temple mongol de la contrée, car les Mongols ont des temples, à l'opposé des Kirghizes qui sacrifient encore sur les rochers et sur les hauts lieux comme aux temps antiques. Ce temple en bois avait un péristyle entouré de 16 petites chapelles disposées symétriquement et où l'on célèbre des cérémonies relatives à l'histoire du dieu principal qui, je ne sais sous quel nom, n'est autre que le fameux Bouddha de l'Inde et du Tibet. Dans l'une, on conserve la voiture pour laquelle on espère qu'il fera son apparition dans quelques années, dans une autre ses chevaux, ailleurs ses armes, puis ses vêtements, ses livres, etc. Le temple principal est divisé en trois parties. Le péristyle, où s'exposent les ex-voto, les offrandes, autour d'un cylindre tournant qui fait mouvoir des cloches. La nef, où les lamas, accroupis comme les tailleurs, sur trois rangs, psalmodient alternativement des hymnes sacrés sur des rythmes qui ressemblent extraordinairement à nos chants d'église, ou bien exécutent des symphonies diaboliques sur des instruments impossibles qui ont malheureusement pour les oreilles des auditeurs un rapport étonnant avec ceux des Chinois. Cette horrible musique nous attendait à notre arrivée et nous reconduisit pendant une verse à notre départ. Enfin, le sanctuaire du temple, qui contient les images du dieu, ses transformations, les autels où se font les sacrifices, consistant, comme ceux des Chinois, en fruits de la terre. Bouddha et sa suite divine sont beaucoup moins laids que les dieux chinois. Ils reconnaissent pour chef de leur religion le grand lama du Tibet et leurs livres sacrés sont écrits en sanskrit. Ils croient la métempsychose et en général, leurs idées religieuses sont plus compliquées et plus absurdes que celles des Chinois. Comme notre visite les flattait et que l'officier supérieur qui dirigeait notre caravane leur témoigna beaucoup d'intérêt, ils lui donnèrent un exemplaire de leur livre saint, un habillement complet de lama qui avait appartenu à un de leurs prêtres les plus révérés, des clochettes, une petite figure sacrée en cuivre et quelques autres bagatelles. Leurs yourtes sont comme celles des Kirghizes, composées d'un treillage en bois, recouvert d'un feutre très hermétiquement clos, ce qui rend ces habitations très chaudes même pendant les plus rudes hivers. Le pourtour de la yourte est occupé par l'autel, les coffres renfermant les habits, le lit, etc. et le centre par un foyer dont la fumée s'échappe par une ouverture pratiquée dans le haut. C'est dans les yourtes que nous fûmes présentés aux dames bouriates. Leur costume est pour la forme très semblable à celui des chinoises. L'étoffe est de soie bleue foncé brochée en or, et les ornements de tête, des oreilles et du cou sont en corail garnis d'or et d'argent. Ce costume irait bien à de jolies femmes, la taille exceptée puisque rien ne la dégage. Mais les dames bouriates sont décidément laides avec leurs pommettes tressaillantes et leurs yeux bridés, dont l'angle externe remonte jusqu'au milieu des tempes. Les hommes sont beaucoup mieux. On voit leur allure dégagée et guerrière que ce sont bien les descendants de Gengis Khan. Il faut voir comme ils sont lestes et adroits à manier leurs chevaux. Ce sont d'ailleurs de braves gens, francs, hospitaliers, reconnaissants du bien qu'on leur fait, de l'intérêt qu'on leur témoigne, faciles à s'attacher. En un mot, vraie race primitive que la civilisation n'a pas encore gâtée. Ils n'aiment pas se fixer dans des villages, mais à transporter leur foyer dans les bons pâturages. Nous avons vu dans leur pays d'innombrables troupeaux de bêtes à cornes, de moutons, de chevaux et même de chameaux. Le gouvernement russe les a beaucoup engagés à s'occuper un peu plus d'agriculture. Ils l'ont promis, mais rien ne témoigne qu'ils soient disposés à tenir leurs promesses. Après avoir de nouveau traversé heureusement le Baïkal, par un gros temps, nous étions de retour à Irkoutsk vers la fin d'octobre 1848.